Il y avait un parking devant l'hôtel, c'est là qu'elle garait son auto. Un genre de break, une drôle de poubelle, mais je décollais pas mon nez du carreau. Elle était toujours un peu chiffon, mais elle faisait une taille 32 de pantalon. Elle portait toujours un tas de trucs, son sac à main c'était bonjour les puces. Elle donnait facile leur camouflage, et ça jouait bien tranquille sous son feuillage. J'ai comme si elle savait pas que j'étais là, mais y a les façons de marcher qui ne trompent pas. Agatha, si l'attaque à main armée d'être comme toi. Agatha, même au ciné y a des gens qui ne croiraient pas. Et la télé dans la chambre, dynastie en noir et blanc. C'est là que je l'ai vu publicitairement s'étendre entre un Walkman et un savon géant. J'ai jamais douté qu'elle fût clean, mais y a les images qui squattent dans la rétine. J'ai jamais douté qu'elle fût clean, mais y a les images qui squattent dans la rétine. Agatha, si l'attaque à main armée d'être comme toi. Agatha, même au ciné y a des gens qui ne croiraient pas. Ta camarade est